Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude de l'Épître aux Corinthiens. Et nous allons nous tourner vers le chapitre 4. Notre bon Père du ciel, quel grand privilège nous avons d'avoir ta parole. Notre intelligence ne pourrait jamais concevoir Dieu dans la réalité. Quand nous regardons les religions, Seigneur, ils ont inventé des bouts de bois, des morceaux de plâtre, hommes, femmes, créatures. Car l'être humain, dans sa pensée, ne peut pas concevoir le Dieu de toute éternité. Mais toi, par ton Esprit Saint, tu nous as révélé la vérité. Nous avons la vérité dans la nature, la vérité dans ton Fils et la vérité dans ta parole. C'est pour ça que nous sommes portés, nous sommes poussés à regarder les vérités qui s'y trouvent. Conduis-nous et nous voulons te voir, toi notre Dieu. Amen. L'apôtre Paul a dit au chapitre 3, en se comparant avec les faux apôtres qui menacent l'Église de Corinthe, il dit « Notre lettre de recommandation est de bien plus supérieure à le leur. Notre lettre de recommandation vient du Seigneur Jésus lui-même. » Il dit « Notre évangile est de loin supérieur à le leur. » Les autres, ils vous présentent l'ancienne alliance. Nous, on vous présente la nouvelle alliance. Ou peut-être, au forçat, il pourrait leur présenter un mélange des deux, ce qui est souvent le cas. Mais il dit, le message que je vous ai apporté est de loin supérieur en gloire que celui de l'Ancien Testament, ou de l'Ancienne Alliance, ou de Moïse. On a vu que les effets de la nouvelle alliance n'agissent pas seulement sur une personne comme dans le temps de Moïse, qui lui avait reçu la nouvelle, l'ancienne alliance, et la gloire de Dieu resplendissait sur lui. Mais dans la nouvelle alliance, c'est tous ceux qui se convertissent au Seigneur qui deviennent resplendissants, qui deviennent des reflets de la gloire de Dieu. Et nous usons d'une grande liberté. On ne se cache pas le visage. L'Esprit du Seigneur nous a transformés et librement on reflète la gloire de Dieu. Nous sommes devenus son image. Pas une image dans le sens que nous-mêmes on est divin, mais une image qui reflète. Ça ne reflète pas, je dirais, tout l'infini de Dieu, mais nous sommes un reflet de sa gloire. Et quand je parle de sa gloire, vous comprenez que je parle de ses attributs. Nous sommes un reflet du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Nous sommes un reflet de la patience de Dieu, de la longanimité de Dieu. Nous sommes un reflet de son amour. Et on pourrait nommer tous les attributs. Et dans le chapitre 4, nous allons voir un thème sur 4 vidéos que j'ai intitulé « Courage, assurance et liberté ». L'auteur Paul, dans chapitre 3 et chapitre 4, utilise le mot « souvent ». Nous usons d'une grande liberté. Nous sommes pleins de courage. Nous ne perdons pas courage. Nous avons plein d'assurance. Et nous allons voir en même temps, dans ce chapitre, pourquoi, comment ce courage, cette liberté, cette assurance se manifeste dans la vie du croyant. Et en même temps, d'où ça vient ce courage-là, cette force-là? Est-ce que seulement quelques-uns? Moi, ce que j'aime ici dans l'Épître, frères et sœurs, c'est que Paul s'affilie à une église que nous, on pourrait penser que c'était une église qui avait des grandes difficultés morales et spirituelles. Mais pourtant, Paul a dit hier, nous tous, et il continue toujours dans cette veine-là. Paul n'exclut jamais ces chrétiens-là pour se mettre sur un piédestal. Il met les chrétiens tous sur la même longueur d'onde. Nous avons tendance, dans nos églises, à séparer les gens. À dire, ça c'est des bons chrétiens, ça c'est des chrétiens tièdes, ça c'est des chrétiens froids. Puis là, on fait des catégories. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les Écritures. Savez-vous pourquoi? Plus nous croyons que la vie chrétienne, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur en nous. Plus on va voir les chrétiens tous égaux et pareils, bénéficiant tous de l'Esprit Saint, bénéficiant tous de la grâce de Dieu, ayant tous la même espérance, recevant tous la même vie éternelle dans la présence de Dieu pour toujours dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. J'ai appelé ça souvent, et je vais l'appeler encore, la Bible uniformise tous les croyants. Tous les croyants dans la Bible sont présentés au même niveau. J'appelle ça aussi des fois des principes égalisateurs. Il n'y a pas de super chrétiens. Il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Nous allons prendre le temps, si vous voulez bien, de lire notre texte. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, ayant le ministère de la Nouvelle Alliance, ayant le ministère que Dieu nous a confié dans sa miséricorde, nous ne perdons pas courage. Paul est conscient que s'il a reçu le ministère ou le service, s'il est un serviteur de Dieu, s'il est un apôtre de Christ, ce n'est pas quelque chose qu'il a mérité. C'est quelque chose qui a été donné par la miséricorde de Dieu. Mais il dit bien « nous ». Nous, veut-il dire tous les croyants? Ou il met « nous » les apôtres, les vrais apôtres. Ça peut être ça. Mais je n'aurais pas de misère à rentrer dedans, nous, tous, qu'on a vu au verset plus haut. Nous tous qui reflétons l'image de Dieu. Et je crois que dans le « nous » ici, je pense qu'il comprend tous les croyants. Nous avons le même ministère que Paul, qui nous a été accordé par la miséricorde de Dieu. Personne ne mérite de faire un ministère pour Dieu. Personne. Il dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas notre assurance. Nous fonctionnons comme Dieu nous a demandé. Qu'est-ce qui pourrait me faire perdre courage? Que ce ministère viendrait des hommes et qui dépendrait de mes performances. Je ne perds pas courage. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu en moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. C'est lui qui va bâtir l'Église. Ce n'est pas moi qui bâtis l'Église. Je ne suis pas là pour performer, pour accomplir quelque chose que je voudrais qu'il arrive. C'est le ministère de Dieu, c'est le ministère que Dieu m'a confié dans sa miséricorde. Donc, je ne perds pas courage. Et je n'utilise pas ce qu'il dit au verset 2. Je ne vais pas faire des choses honteuses. Je ne vais pas faire des choses en secret. Nous n'allons pas avoir des astuces ou des gimmicks. Les religions, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toutes sortes de choses honteuses. Ils ont toutes sortes de choses en secret. Ils ont toutes sortes de trucs pour pogner le monde, si je pourrais dire ainsi. Attention ici. Je ne crois pas qu'il est en train de parler que les chrétiens, les autres, sont parfaits. Si regardez leur témoignage, ils n'ont pas de péché dans leur vie. Ils n'ont pas de péché secret dans leur vie. Ben oui, il va en avoir. Si vous fouillez dans la vie de tous les croyants, de tous les apôtres, de tous les chrétiens, de tous les temps, vous allez en trouver des péchés. Je crois qu'il parle ici de choses honteuses, de choses secrètes, de choses astucieuses pour faire le ministère ou amener les gens à se détourner de la vérité et se tourner vers le mensonge. Comme il dit, et nous n'altérons point la parole de Dieu. On ne prend pas des moyens humains. C'est quoi ce qui est, c'est ça qu'il a appelé tout à l'heure. Nous n'usons pas d'une sagesse humaine, mondaine. Nous ne comptons pas sur des trucs humains, des ministères humains, des façons de faire. On ne compte pas sur ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser des moyens humains. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on compte, et ce n'est pas là-dessus qu'on pense que ça va faire de quoi. On ne perd pas courage. Et on n'altère pas la parole de Dieu. On ne change pas la parole de Dieu. On n'amène pas ce qu'on appelle un évangile bonbon. On ne fait pas de l'évangile quelque chose d'anthropocentrique. On continue à présenter un évangile théocentrique pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit exalté. On ne présente pas un évangile de santé et de prospérité. On ne change pas la parole de Dieu. Mais il dit, nous publions la vérité. Nous nous recommandons en toute conscience devant Dieu. On est clair avec Dieu, on est pur avec Dieu, on est en entente avec Dieu, on est un avec Dieu, on ne change pas la vérité, on n'use pas de stratège pour que les gens soient sauvés et faire grandir les églises et ajouter du monde. Nous prêchons l'évangile tel que nous l'avons reçu. Librement, avec courage, on ne la transforme pas, on n'utilise pas de toutes sortes de trucs. Nous avons été transformés par l'Esprit de Dieu et nous reflétons la gloire de Christ. Et nous continuons à la refléter. Nous prêchons l'Évangile tel qu'elle nous a été transmise par Dieu, par Christ, par les saints apôtres. On ne la change pas. On ne la change pas pour avoir plus de résultats. On ne la change pas pour éviter les difficultés, la persécution ou quoi que ce soit. Nous sommes recommandables devant Dieu et devant les hommes. Pas parce qu'on est des gens qui sont sans péché et sans reproche, mais parce que nous prêchons, nous publions la vérité. Et l'apôtre dit ici au verset 3, si notre évangile, si notre bonne nouvelle, si notre nouvelle alliance que nous nous présentons est encore voilée pour vous, elle est voilée pour ceux qui périssent. Si notre odeur est une odeur de mort, c'est parce que vous périssez. Notre évangile est encore voilé. C'est parce que vous ne vous êtes pas converti au Seigneur. Vous n'êtes pas repenti. Donc l'évangile est encore voilé. Et vous périssez. Il dit au verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Donc, il dit, « Vous faites partie de ceux que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Pour que vous ne voyez pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il dit, si vous n'acceptez pas ce que je vous dis, c'est parce que votre cœur est endurci, c'est parce que vous ne vous êtes pas converti au Seigneur, c'est parce que le voile n'est pas été enlevé quand vous lisez l'Ancien Testament. Et le voile, on l'a vu hier, est enlevé par Jésus-Christ seulement. C'est le seul moyen. Et parce que le voile n'a pas été enlevé, parce que vous êtes aveugle, aveuglé, vous ne voyez pas la gloire de Christ. Et si vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas la refléter, la gloire de Dieu. Christ était le reflet de la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Donc, tous ceux qui contemplent Christ, tous ceux qui se convertissent à Jésus-Christ, tous ceux qui voient Jésus-Christ comme étant Dieu fait chair et le sauveur du monde, eux, l'évangile que nous annonçons, pour eux, le voile est enlevé. Ils ne sont plus aveugles. Et ils contemplent Dieu, ils contemplent Christ. Ils voient Christ et ils reflètent la gloire de Dieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul ici dit, nous ne perdons pas courage dans les situations. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu qui nous a confié un ministère. Le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le ministère de refléter l'amour de Dieu, d'annoncer la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on sera recommandable en prêchant la vérité, en publiant la vérité, en annonçant les attributs de Dieu qui se révèlent en Jésus-Christ. Nous, c'est la seule façon qu'on peut se rendre recommandable. On se rend pas recommandable par un bon témoignage. On se rend recommandable par la prédication de l'Évangile, sans la changer, sans utiliser d'astuces et de secrets et de, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit de choses honteuses ou en altérant les Écritures. On se rend pas recommandable aux hommes. En leur donnant ce qu'ils veulent. Ce qui nous importe, nous les croyants, c'est d'être recommandable devant les hommes, mais devant Dieu aussi. Et on est recommandable par Dieu quand on ne falsifie pas les Écritures, mais qu'on annonce pleinement la vérité. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Merci, Seigneur, que tu nous as confié dans ta miséricorde le ministère de refléter ta gloire. Parce que l'Évangile, ce n'est pas autre chose que ça. L'Évangile, c'est refléter la gloire de Dieu qui était en Jésus-Christ. Oh, Seigneur, merci. Merci de nous avoir ouvert les yeux afin qu'on puisse contempler. Merci que tu nous as rendus intelligents pour comprendre les Écritures. Ô Seigneur, on dit comme Paul, nous ne perdons pas courage, parce que nous prêchons la vérité telle que nous l'avons reçue. Au nom de Jésus.